Chapitre 4. Ainsi, mes chers frères, vous que je désire tellement revoir, vous qui me rendez si heureux et dont je suis si fier, voilà comment, mes amis, vous devez demeurer fermes dans votre vie avec le Seigneur. Évodie et Saint-Tiche, je vous en prie, je vous en supplie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres compagnons de travail, dont les noms se trouvent dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le-lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Enfin, frères, portez toute votre attention sur ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui nous donne la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Vous avez enfin eu la possibilité de manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Je ne veux pas dire que vous aviez cessé de vous soucier de moi, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger ou que j'ai faim, que j'ai trop ou que je n'ai pas assez. Je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes difficultés. Vous le savez bien vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où l'on commençait à annoncer la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider. Vous avez été les seuls à prendre part à mes profits et pertes. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois l'aide dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche simplement à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. J'ai donc reçu tout ce que vous m'avez envoyé, et c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Vos dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, soit la gloire pour toujours. Amen. Saluez en Jésus-Christ tous les membres du peuple de Dieu. Les frères qui sont avec moi vous adressent leurs salutations. Tous les membres du peuple de Dieu qui sont ici, et spécialement ceux du palais de l'Empereur, vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.